Stephen King aime les expériences pharmaceutiques, Stephen King aime les tueurs à gages, Stephen King a écrit Un chat d'enfer, et John Harrison l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock pour ce 50e épisode. Je suis avec Chris, comme toujours. Salut. Est-ce que tu pensais qu'on arriverait si loin ? Putain, c'est déjà le 50e. Ouais, c'est déjà le 50e. Et bah, bon anniversaire à nous. Ouais, ça se fête, c'est émouvant. Ouais, on va aller voir un film juste après, tiens, ça se fête. Pas du tout Adapted King, mais quand même. Aujourd'hui, on va parler donc de la nouvelle Cat from Hell, qui a été adaptée dans un film à sketch appelé Darkseid, les contes de la nuit noire, sorti en 1990, pour une durée de 93 minutes, et qui adapte d'autres récits. On en reparlera. Bon, on va spoiler, mais bon, c'est une nouvelle très courte, donc voilà. Quarantaine de pages, tout au plus. Ouais, même pas, je pense. Hein. Et on va y aller tout de suite. Ouais, bah, allons-y. C'est parti. Les 500 premiers mots de la nouvelle « Un chat d'enfer » sont publiés dans le numéro de mars 1977 du magazine Cavalier, un de ces magazines pour hommes dans lequel King a régulièrement écrit en début de carrière. Avec un jeu concours, en fait, à l'époque, les lecteurs devaient imaginer la suite de la nouvelle. Et après, y a plusieurs publications qui se sont faites. Il y en a une en juin, toujours dans Cavalier, où King publie sa propre fin. En septembre, il y a la nouvelle avec la fin d'un premier gagnant, Phil Bowie, qui est publié. Et en décembre, dans le magazine Gent, il y a la nouvelle avec la fin d'un autre gagnant, Mark Rains. Le point de départ pour King, en fait, c'est l'éditeur de la rubrique fiction de Cavalier qui a montré à King une photo de chat moitié noir, moitié blanc en colère. Et c'est ça qui lui a servi de base, il a trouvé ce chat rigolo. Comme quoi, voilà. Il en faut vraiment peu des fois. C'est ça. Et regarde, papa, il y a des vidéos marrantes de chats qui font les cons sur Internet. Putain, ça me donne des idées. Pour situer l'histoire de la nouvelle, c'est un vieux à la tête d'un empire pharmaceutique qui engage un tueur à gages pour tuer un chat dont il est persuadé qu'il veut le tuer et qu'il a déjà tué plusieurs personnes de sa famille. Et le tueur à gages va se faire lui-même tuer par le chat qui va repartir vers sa cible première ensuite. Voilà. La fin du premier gagnant, Mark Rains, pour l'anecdote, en fait, ça s'arrêtait au moment où Drogan tend une enveloppe au tueur à gages. Ah. Et donc, dans la fin de Rains, dans l'enveloppe de Drogan, il y a des photos de personnes nues en train de danser autour d'un symbole, une jeune femme sur un canapé et Drogan avec un manteau noir façon prêtre sataniste. Il raconte au tueur à gages qu'il avait lancé de l'acide au visage de sa maîtresse avant de la changer en un chat qui essaie maintenant de le tuer. Et le chat griffe Drogan à mort sans que le tueur à gages n'intervienne parce qu'il estime que Drogan mérite de mourir. Elle est pas mal cette version. Voilà. Et la fin de Bowie, c'est que Drogan est le père d'une des victimes d'Alston. Et donc il y a une photo du fils dans l'enveloppe et des autres victimes du tueur à gages. Qui se sont tous réincarnés sous forme de chats blancs et noirs identiques qui finissent par submerger le tueur à gages et par l'acheter. Lui, il a un peu trop d'imagination. Voilà. King, en fait, était persuadé d'avoir déjà publié cette nouvelle dans un de ses précédents recueils, parce qu'il y a un gros décalage, hein, juste avant le crépuscule, c'est un recueil qui date des années 2000, donc ça a mis très longtemps à être recueilli, et c'est son assistante Marsha DeFilippo, en fait, qui lui a rappelé que non, cette nouvelle, il ne l'avait jamais publiée. Et donc, voilà. Pourquoi... Il en écrit tellement qu'il ouais, a plus c'est de compte, ça. Quoi. C'est incroyable. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut en savoir, et on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Bah écoute, c'est une nouvelle que personnellement j'ai trouvé très agréable à lire. C'est une nouvelle qui est constituée en grande partie de dialogue. Donc c'est une lecture très fluide, très simple, pas du tout prise de tête. En fait, c'est marrant parce que pendant la lecture et après la lecture, j'avais le parallèle avec Le Dentier Claqueur. C'est exactement le même genre de nouvelle. C'est une nouvelle que tu lis, qui est très agréable pendant la lecture, qui du coup, une fois la lecture passée, t'en as un bon souvenir, que tu oublieras probablement d'ici quelques semaines / mois, mais le moment de lecture n'a pas du tout été désagréable. Oui, c'est un peu ça, voilà, c'est un truc agréable, sans conséquences. Le seul reproche que je lui ferais, c'est de renouveler deux fois le coup de l'accident de voiture, en fait. Oui. Il aurait peut-être fallu que la dernière victime avant le tueur à gages meure autrement, ouais, pour éviter le sentiment de redite. C'est ce qu'évite le film. C'est ce qu'évite le film, effectivement. On reviendra. Je trouve, par contre, les deux premières morts assez imaginatives, oui, parce que ça joue sur des trucs... Du réel, en où fait. On pourrait se dire effectivement que accidentellement un chat peut faire ça. Bah, accidentellement, oui, un chat qui a faim, qui te réclame de la bouffe, il faufile entre tes pattes et bah tu manques de tomber. Oui. Bon, moi qui en ai, ça m'est forcément arrivé. Toi qui en garde, oui, de temps en temps, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi avec Kino. Oui, bah surtout quand de nuit ils viennent dans nos pattes, moi ça m'est déjà arrivé de quasiment lui marcher dessus parce que. Bah, tu la vois pas quoi. Voilà, j'ai. Alors la nouvelle, je l'ai vécue en 4DX. Parce que j'avais un chat qui ronronnait juste à côté de moi. C'était lequel? C'était la petite dernière, Shiba. D'accord. Ah, en plus, c'est peut-être les noires et blanches, dans mon souvenir. Oui, grise et blanche, celle qui se rapproche le plus visuellement, du coup. Donc, qui ronronnait à ma droite. Donc, à la fin de la nouvelle, je la regardais d'un œil... d'un œil intrigué, genre... Éloigne-toi quand même. Mais ouais, voilà, c'est... Bah, je trouve le principe rigolo, pour le coup. C'est vrai que ça aurait pu être mieux exploité, je pense. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que au début de la nouvelle, jusqu'à la conclusion, en fait, tu sais pas si c'est vrai ou faux. Et donc, t'as quand même ce petit doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va partir en finale sur de la comédie? Ou est-ce que ça va partir sur de l'horreur? Ouais. Bah, spoiler, ça part sur de l'horreur. Mais t'as quand même ce petit doute sur vraiment les 10-15 premières pages, quoi. Bah, ça aurait pu complètement tourner en un espèce d'épisode de Bip Bip et Ville Coyote, où le chat n'a rien fait, mais où miraculeusement il échappe à tout, en fait. C'est ça. Donc voilà, on n'a pas grand chose à en dire de plus, hein, si ce n'est qu'elle est bien écrite. À la fin, c'est quand même pas mal dégueulasse. Oui. Ah bah, il se fait. Oui, le chat lui rentre, il lui fait une alien, il lui rentre dans la bouche et il ressort par le bide. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça qu'ils ont changé un peu la manière de sortir du chat dans le film. Que ça fasse pas redite. Pour pas faire redite d'Alien qui était sorti entre temps. Ouais, c'est fort possible. C'est vrai que la nouvelle date d'avant Alien, du coup. Du coup, est-ce que Ridley Scott aurait lu Un chat d'enfer? Ah, surtout que l'Alien, c'est un chat, hein. On sait jamais où il est, il se planque. On a du mal à le faire sortir. Peut-être qu'il y a une petite mention. Stephen King quelque part dans le générique d'Alien. Moi je pense qu'on a donné beaucoup de sens à Alien, mais pour moi c'est une métaphore d'un mec qui a un chat, hein, comme film. Mais ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense, sur la nouvelle. On est passé vite dessus, hein, voilà. Tu passes un bon moment. C'est ça. Voilà, quoi. Mais disons, globalement, les nouvelles présentes dans juste avant Crépuscule sont plutôt bonnes. Hein. Oui, il y en a une ou deux inférieures dans mon souvenir. Est-ce que tu veux que je te rappelle ce qu'il y a? Ouais, vite fait, ouais. Bah déjà, il y en a une qui se trouve dans un podcast... Perdu, ouais, il y a N qui est dedans. Qui est une très bonne nouvelle, du coup. Donc, Un chat à l'enfer. Donc, il y a Willa, la fille plein d'épices. Willa, elle est très très bien. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Je la trouve vraiment excellente. La fille plein d'épices, moi. Le rêve d'Harvey. Je crois que c'est sympa. Air de repos. Elle est bien, celle-là, ouais. Vélo d'appart, celle-là, je l'ai lue et il me semble qu'elle est elle cool, sympa. Elle est cool, Vélo d'appart, ouais. Laissé pour compte, fête de diplôme. Laissé pour compte, je crois que c'est... Laissé pour compte et fête de diplôme, c'est peut-être les deux qui sont liés au 11 septembre. Ah. Dans mon souvenir, elles sont intéressantes. Je n'ai pas lu celle-là. Donc, N et le chat d'enfer. Le New York Times a un prix spécial qui est une toute petite nouvelle de même pas une dizaine de pages. Oui, mais elle est bien. Qui est plutôt sympa. Ouais. Et très, très cool. Très efficace. Muet, Ayana et un très petit coin. Alors, dans mon souvenir, je me souviens plus de Muet. Je ne les ai pas lues les trois dernières. Ayana, j'en ai un vraiment bon souvenir. Et un très petit coin, elle est drôle. Les nouvelles de King. Ouais, un très petit coin, c'est l'histoire d'un mec qui est coincé dans des chiottes de chantier. Ah bon? Ouais. J'aurais que je la lise, tiens. Mais je pense que la meilleure du recueil, ça doit être Willa. Elle est vraiment excellente, je trouve. C'est la première. Ouais. Tu sais, les nouvelles de King, en général, j'ai les bouquins, oui. Puis je les picore. Ouais, tu picores, oui, c'est une bonne méthode. J'aimerais bien qu'il en ressorte un, j'espère, l'année prochaine. Et de toute façon, et puis il me semble que ça, qu'on n'aura plus à aborder juste avant le crépuscule, du coup. À ce jour, non. Après, d'ici que ça se fasse. Voilà. Mais voilà, c'est quand même un recueil de nouvelles que globalement on peut conseiller. Ouais. Et une nouvelle qu'on peut conseiller aussi. Ouais, non, il y avait une nouvelle dont je croyais qu'elle était dans celui-là, mais elle doit être dans celui d'après, Le Petit Dieu de la Douleur, qui est vraiment très bien. Le Petit Dieu de la Douleur, elle est pas dans Tout est fatal? Non, du coup, elle doit être dans... parce que je suis sûr qu'elle est dans un des recueils que j'ai en anglais, donc ça doit être dans Le Bazar des Mauvais Rêves, du coup. Ah, peut-être. Ouais. Bon, voilà, pour la nouvelle, c'est tout, et on va passer à l'adaptation. Allons-y. Arthur Conan Doyle, author of Sherlock Holmes and master of suspense. George Romero, director of Night of the Living Dead and master of the supernatural. Michael McDowell, creator of Beetlejuice and master of the fantastic. Stephen King, originator of Pet Sematary and master of terror. It took four grand masters of the macabre to come up with one horror masterpiece. Help! I'm not making this up, I'm telling you the truth. Four tales to take you to a new realm of hellish darkness. I warned them, but they wouldn't listen. You promised you'd never tell! Of hideous revenge. Grow, O light. Rise, O light. Come forth, O light. Open his eyes. And of terrifying evil. I don't believe this. Kill it, bury it, and bring me its tail. Help, help, help! Discover the other side of fear. Well, that just about takes care of that, doesn't it? No! From the Dark Side, the movie. Le film, en fait, c'est la version ciné de la série d'anthologie horrifique Histoire de l'autre monde, qui s'appelle Tales from the Dark Side en VO, créée par George Romero suite au relatif succès de Creepshow, le film. En fait, il y avait des questions de droit à l'époque, et pour la série qu'il a créée lui, Romero pouvait pas tout de suite reprendre le nom Creepshow, donc il a appelé ça comme ça, mais c'est exactement le même concept. À part qu'il n'y a pas l'habillage BD autour. Deux épisodes d'ailleurs de la série sont liés à King. Il y a Désolé, bon numéro, qui est un scénario original de King et qui est réalisé par John Harrison. D'accord. Celui-là, je l'ai récupéré, donc il est dans le chapeau quelque part, on en parlera. D'accord. L'autre, c'est une adaptation de la nouvelle Machine Divine à traitement de texte, et celui-là, j'arrive pas encore à le trouver, et c'est une bonne nouvelle. J'aime bien Machine Divine à traitement de texte. D'accord. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui se rend compte que quand il appuie sur la fonction effacée de son traitement de texte, ça efface la chose qu'il avait écrite de l'univers. Ah, carrément. Ah oui. Genre, il écrit l'homme grimpa les escaliers, il efface le mot escalier, il n'y a plus d'escalier dans l'univers. L'escalier auquel il songeait disparaît. Je crois pas que ça fait disparaître tous les escaliers d'un coup. Ah, ça serait problématique sinon. Ouais. Donc voilà, il y a des textes de pas mal d'autres auteurs qui ont été adaptés dans la série, qui a eu 3 saisons, je crois. Le film sort plusieurs années après la fin de la série, il sort en 90. John Harrison avait eu plusieurs postes en fait sur cette série-là, donc réalisateur comme on a mentionné, mais aussi scénariste et compositeur. En fait, je rappelle que John Harrison, c'est le compositeur et assistant réal sur Creepshow. Donc c'est un peu un homme multicasquette. Et visiblement, en fait, à la base, le projet d'adapter cette nouvelle, c'était pour Creepshow 2. Le scénario avait été écrit par Romero à cette époque-là. Mais pour des questions de budget, en fait, au lieu de 5 sketchs dans Creepshow 2, il n'y en a que 3. Il y en a 2 qui ont été coupés. Et bah, du coup, le script tel quel a été repris pour ce film-là. Et c'est pour ça qu'il y a un segment écrit par Romero, alors que les deux autres sont d'un autre scénariste, qui est Michael McDowell, dont on a déjà parlé, parce que c'est le scénariste aussi de La peau sur les os. D'accord. Voilà. Le monde est vraiment petit. C'est ça. Dans les rôles autour de du segment qui adapte King, dans le rôle de Drogan, on a William Ickes, qui a joué entre autres dans L'honneur des Prizzi, Le nom de la rose, Puppet Master. Il fait la voix du docteur Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et un de ses derniers rôles, mais alors c'est vraiment un minuscule rôle, je le mentionne juste parce que c'est un super film, c'est dans La souris de Gore Verbinski. Que je n'ai pas vu, tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, ouais. En plus. Mais du coup, une carrière plutôt pas dégueu. Bah, j'ai chopé le DVD de La souris, si tu veux que je te le prête à l'occasion, parce qu'il est vraiment très très drôle, celui-là. Le rôle de Alston, le tueur à gages, est joué par David Johansson, surtout connu comme musicien dans un groupe qui s'appelle New York Dolls, que je connais très mal, et sous le pseudonyme de Buster Poindexter. Scorsese va apparemment réaliser un documentaire sur lui. D'accord. Et... Bon, il a une filmographie assez courte, hein, c'est vraiment pas son truc principal, mais on peut citer le rôle du fantôme des Noëls passés dans Fantôme en fête avec Bill Murray, et un rôle dans Monsieur Nounou avec Hulk Hogan. Voilà. Tu veux parler il y a quelques minutes. Bah oui, parce que j'ai chopé le film où c'est Vin Diesel qui est Nounou, et du coup, il y a aussi Hulk Hogan qui l'a fait, et j'aurais vraiment dû le prendre, du coup. N'amenez jamais Issam... dans une boutique d'occasion pour acheter des DVD. Non, mais j'ai des votes, on pourra faire une soirée nanar spéciale film de Catcheur Nounou, c'est quand même un concept. Mmh. En chopant aussi La Fée des Dents avec Dwayne Johnson. C'est dans le premier segment adapté d'une nouvelle d'Arthur Conan Doyle sur une momie appelée Lot 249 qu'on trouve en fait le casting le plus prestigieux. Ouais. Puisque. Il n'était pas forcément à l'époque par contre. Christian Slater, un peu, quand même, déjà. Ah ouais ? Déjà à l'époque ? Ouais, effectivement. Non, t'as peut-être raison pour Christian Slater. C'était le début de... Ouais. Ça commençait à sortir. Enfin, il commençait, quoi. Il commençait pas sa carrière, hein, j'entends. Il allait commencer à devenir connu. Après, il y avait déjà eu Le nom de la rose, quand même. Qui est un rôle important pour lui. Oui, mais bon, tu sais... C'est bien que Le nom de la rose, les gens, quand on dit Le nom de la rose, les gens, c'est Sean Connery qui vient en premier. Oui, c'est ça, mais bon, je pense que ça a aidé à le lancer. Hein. Oui, par contre, oui. Mm. Ah, il est aussi dans Vidéo Kid, l'enfant génial, tu sais, le film qui fait de la pub pour le grand Super Glove de Nintendo, oui. Là. C'est ça. Julianne Moore, effectivement, c'est devenue une actrice majeure à l'époque, mais elle, c'est carrément son premier rôle. Ouais. Donc, voilà. Et Steve Buscemi. Bah pareil, relativement dans ses débuts à l'époque. Il faisait déjà peur. Oui, il a déjà c'est un peu la gueule. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais habitué Buscemi surtout des seconds rôles. Mais vraiment, quel grand acteur Buscemi. Ouais, bah carrément. Acteur qui a été assez actif chez plusieurs réalisateurs majeurs. Hein, il a été assez actif. Je crois qu'il a collaboré plusieurs fois avec Jarmusch. Ouais. Avec les frères Cohen, avec Tarantino, il est dans plusieurs de ses films, donc oui, c'est un acteur à gueule très important. C'est pas lui, si, c'est ça, mais je sais pas s'il a d'autres collaborations avec Tarantino, j'ai un petit doute. Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, un acteur très bon dans des seconds rôles et qui a participé à plein d'excellents films, ouais. Surtout. Ah ouais. Donc voilà, c'est au niveau du casting, c'est le principal que j'ai relevé en fait. Je parlais du premier segment vraiment parce qu'il a des rôles d'acteurs importants, quoi. Oui. Qui sont devenus importants. Le directeur photo s'appelle Robert Draper. Il a pas mal participé à la série Darkseid et il travaillera ensuite sur les Contes de la Crypte et sur pas mal de téléfilms et séries. Et dernièrement, il a fait pas mal d'épisodes de la nouvelle version de Creepshow. D'accord. Et je trouve qu'il fait un boulot vraiment louable. Oui, carrément. La photographie est belle, il y a des effets assez jolis, surtout dans le deuxième segment, justement, où ça joue beaucoup sur une esthétique film noir assez intéressante. Ouais. Donc, beau boulot de photographie, même si des fois on sent un peu le manque de budget dans les moments de vision du chat, notamment. La musique. Alors, Harrison a fait lui-même la musique du segment Lover's Woe, le troisième segment. Le segment Un chat d'enfer a une musique de Chaz Jankel, qui est principalement un chanteur-compositeur dans des groupes et dans des albums solo de différents styles. Il a fait des musiques de films quand même un certain nombre, mais voilà. L'histoire qui relie l'ensemble, c'est un thème de Donald Rubinstein, en fait, ça reprend le thème qu'il a fait pour la série. Et le segment Lot 249 a une musique de Jim Manzi et Pat Regan. Donc pas mal de monde qui a collaboré à la BO, qui est assez typique des séries d'anthologie de l'époque. Après, par exemple, je la trouve inférieure à celle de Creepshow, tu vois. Ouais. Elle est pas nulle, hein, elle est agréable, mais c'est pas foufou. Elle fait le taf pendant le visionnage du film, mais t'iras pas te la réécouter en dehors. Ouais, c'est ça. Le film a un budget de 3,5 millions de dollars et il en rapporte 16,3, ce qui est pas mal, oui. À sa sortie le 4 mai 90. Et il reçoit le Grand Prix au Festival du Film Fantastique d'Avoriaz 91. Il a actuellement 43% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 26e entre Peur Bleue et Firestarter sous l'emprise du feu, et 2,9 étoiles sur Allociné, ce qui le place 20e à égalité avec 1408. Un deuxième film aurait dû être fait, mais il sera annulé pour des raisons que je ne connais pas. Apparemment, il y a pas mal de bonus sur le DVD américain du film, mais je m'en suis rendu compte un peu tard et il coûtait assez cher, donc voilà. Ah, il y a un second film, mais c'est juste qu'il colle des épisodes de la série. Ouais, mais il aurait dû y avoir un vrai second film, en fait. C'est ça. Qui aurait dû adapter de nouveau King, avec un segment appelé Pinfall, qui était un traitement écrit par King et scénarisé par Romero, qui aurait dû être lui aussi dans Creepshow 2. Et une adaptation de La Saison des Pluies, une nouvelle plutôt sympa recueillie dans Rêves et Cauchemars. D'accord. Je vous ai fait venir pour tuer quelqu'un. C'est votre profession si mes renseignements sont exacts. Comment vous connaissez mon nom ? C'est Monsieur Saul Loggia qui m'a appris que vous le connaissiez. Qui vous voulez tuer ? Votre victime est juste derrière vous. Je devrais vous tuer pour ça. J'aime pas ce genre de plaisanterie. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Asseyez-vous. Tenez. J'ai dit asseyez-vous, Monsieur Alston, et regardez dans cette enveloppe. $50,000. Et je vous en donnerai 50 000 autres quand vous m'apporterez la preuve que le chat a été tué et qu'il ne risque plus de détruire quiconque. J'arrive pas à y croire. Vous me faites venir pour tuer un chat? Cet animal est déjà l'auteur de 3 meurtres pour l'instant dans cette maison. Il ne reste que moi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. En l'état, c'est un film qui est passé un peu inaperçu, qui est un peu oublié et dont il lui-même n'a pas vraiment parlé. Donc on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Personnellement, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. J'ai vraiment pas boudé mon plaisir devant. En fait, ça m'a fait exactement le même effet que pour l'adaptation du Rapace Nocturne. C'était quoi le nom du film, Les Ailes de la Nuit, il me semble. Ça m'a fait le même effet. Je m'attendais à tomber sur une petite péloche de série B, sans plus. Mais il se trouve que c'est... Oui, c'est ça, c'est une petite péloche. C'est pas vraiment de la série B, par contre, c'est quand même un plus gros budget que sur une série B standard. Mais ça fait... 5 millions, c'est pas ouf, hein, comme budget en 90. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment cool. Et pour le coup, pas uniquement le segment consacré à King. Mm-hmm. C'est vraiment l'ensemble du film qui est très chouette. Ouais, je le placerais en dessous quand même des ailes de la nuit. Hein. Oui, clairement. La nuit est beaucoup mieux maîtrisée. Mais oui, c'est agréable. Je trouve que justement, surtout dans le segment adapté de King, il y a pas mal d'idées de réal assez sympas autour des transitions entre les flashbacks et la narration principale, sur des fonds noirs et compagnie, sur des jeux de lumière. Il y a des trucs vraiment sympas. Ouais. Le passage où il raconte l'accident de voiture de la première victime, c'est Gage, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est le troisième. C'est le troisième, oui. Où au moment en fait de l'explosion de voiture, c'est juste la voiture qui rentre dans le dans de ponton, enfin, qui rentre dans une barrière. Et en fait, tu vois pas t'entends l'explosion, mais en fait, ça transitionne directement sur le feu de cheminée. Oui. C'est les, c'est typiquement la technique de film qui n'ont pas de budget. Ouais. Mais ça fonctionne totalement, quoi. Mais il y a des beaux plans aussi quand la première victime tombe dans le haut de l'escalier. Et là, il y a une image de l'escalier un peu tordue qui est assez jolie, assez réussie comme plan. Puis avec un bel éclairage. Ouais, avec la victime en bas. Ouais. Où c'est filmé depuis le haut et donc tu vois l'escalier qui forme un rond. C'est ce que c'est un escalier en colimaçon. Mmh. Et puis même, les acteurs sont plutôt bons. Ouais. Les acteurs sont bons. C'est pareil, t'as toujours ce même doute comme dans la nouvelle, qui est bien conservé. Et bah à la fin ça change. Et, oui. Et le fait que ça change, c'est trop bien vu. Parce que du coup on échappe au second accident de voiture qui vraiment aurait été encore d'autant plus dans un film. Ouais, ça aurait été plus répétitif. Ouais, et puis là, ça permet de rallonger, de faire toute une chasse, parce que cette fois-ci, c'est le commanditaire du contrat qui s'en va de la, du manoir et qui laisse Drogan se débrouiller pour chasser le chat à travers tout le manoir, donc ça fait tout un jeu chasse qui est effectivement plutôt bien menu. Ouais, clairement. Du coup, il a un bout de son équipement là. De... Oui. Il sort le pistolet mitrailleur là. Et... Il essaye de canarder le chat. Ah, mais le viseur était montant sur toi, comment j'ai pu te louper. Bah, ce qui traite bien du fait que le chat ait un aspect fantastique. Parce qu'effectivement, voilà. Normalement, on rate pas avec ça. Ah, oui. Puis surtout que le chat bouffe, quoi. Il est immobile. Ouais. L'effet de fin où le chat, donc cette fois-ci, il entre par la bouche et il ressort par la bouche. L'effet est bien réussi, hein, ouais. Je trouve. Il y a vraiment des. Ben, les effets gore de l'ensemble du film, encore une fois, là, sont vraiment réussis. Hein. C'est, d'autant plus celui-là, c'est quand t'as le. Donc c'est Drogan, hein, le vieux. Quand il rentre dans son manoir et qu'il voit le cadavre du tueur à gage, le tueur qui a la gueule déformée, en fait, parce oui. que le chat est rentré dans sa bouche. La vision est vraiment cauchemardesque. C'est ce qui s'appelle avoir un chat dans la gorge. Enfin, la puce dans le bidou, à ce moment-là, mais... mais c'est pas ça l'expression. Mais la vision est vraiment cauchemardesque, parce que le mannequin fait vraiment plus vrai que nature. Ouais. Parce que vous vous doutez bien qu'à l'époque, les effets numériques, ça n'existait pas, et que c'était que des... Ou très peu. Tout avec le budget qu'ils avaient, à mon avis. Oui, voilà, c'est ça. Ça existait, mais c'était le balbutiement du numérique. Ah ouais, il y avait... Oui, oui, vraiment les balbutiements. C'était les balbutiements, ouais. Jurassic Park, c'est 2 ans après. 3 ans après Jurassic Park. Hein, donc, à chaque fois on cite Jurassic Park, mais il a mis la barre très haute. Ça a été un point pivot hein, niveau effet numérique Jurassic Park. Ouais, ouais. Mais Jurassic Park a mis la barre beaucoup trop haut pour que ce soit comparable avec d'autres films à moindre budget. C'est surtout ça en fait. Que je trouve un petit peu injuste à chaque fois quand les gens disent ah, mais il y a eu ça, mais 2 ans après il y a eu Jurassic Park. Mais non, mais c'est pas pareil les gars. On parle d'un film qui avait là le budget avec des films plus petits, on peut pas comparer, tu peux pas comparer. Voilà, bref, c'était l'instant de coup de gueule avec des fois les critiques qui comparent des choses qui sont incomparables en fait. Oui. Au final, tu ne peux pas comparer un film de Spielberg avec un truc qui sort au festival d'Avoriaz, c'est pas possible. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Les gars, calmez-vous. Faut un peu de bonne. Faut être de bonne volonté. Voilà, c'est ça. Mais ouais, tout ce qui est effet gore est vraiment réussi sur l'ensemble du film. Et là, on part vraiment sur un trip mais horrifique à donf. Parce que la chasse, c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Oui. Du coup. Et au final, bah, le chasser, c'est pas celui qu'on pense. Ouais. C'est peut-être le chat qui joue en fait plus qu'autre chose. Bon, c'est un peu traité comme ça. Hein, c'est ça. Ouais. Et t'as plein de passages. Du coup, on est à la place du chat. Mais vraiment, au sens premier du terme, c'est, on voit la vision du chat qui est en train d'épier le chasseur, qui se demande ce qu'il est en train de foutre. Et puis qui, des fois, de manière sournoise, il surgit, tac tac, il lui met 2-3 coups de griffe et puis il se rebat comme ça. Ça a gardé l'idée essentielle de la nouvelle que le chat s'attaque aux couilles. Hein, oui. Voilà. Puis il douille bien, apparemment. Ouais. Mais voilà, c'est. Pour le coup, c'est un peu plus que la nouvelle, c'est-à-dire que je pense que c'est un film dans l'ensemble auquel je me souviendrai. Et oui. Genre, si par exemple on le croise dans une de nos futures visites dans un cache converteur ou quoi, je le prends. Oui, pareil. Voilà. C'est vrai, on peut dire un mot un peu des deux autres segments à la limite. Oui, on va en parler parce que quand même, ouais. Ils sont là. Le premier, donc, qui adapte une nouvelle de Conan Doyle. Oui. Parce que rappelons à nos auditeurs que tu es un grand fan de Conan Doyle. Ouais, bah, surtout de Sherlock Holmes. Voilà, mais... Plus particulièrement de l'univers Sherlock Holmes. C'est une nouvelle, tu m'as dit que tu n'as pas lu, toi. Non, mais ça m'a pas surpris que ce soit du Conan Doyle. Il a vraiment touché à beaucoup de genres différents. Et il a le milieu universitaire et tout, c'était des trucs qui l'intéressaient. Ouais, le milieu étudiantiste. Et donc là, c'est l'histoire d'un étudiant lésé par les magouilles de ses camarades. Ouais. Qui va acheter une momie et se venger en ressuscitant la momie. Apparemment, dans la nouvelle, ça laisse planer le doute sur est-ce que réellement il y a un vrai aspect fantastique ou est-ce que c'est un des autres personnages, une des victimes qui le fantasme, enfin qui a une paranoïa. Et donc est-ce que le tueur serait humain ? Mais le film, lui pour le coup, ne laisse pas du tout l'ambiguïté. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. La momie, on la voit direct bouger. C'est ça. Voilà. Et Steve Buscemi joue très bien son rôle, surtout. Donc, La nouvelle est cool. Enfin, la nouvelle, le segment est vraiment cool. Ouais. Encore une fois, les meurtres sont très graphiques. Oui. Vraiment, ça hésite pas. Et il y a des meurtres, quand tu les vois, t'es pas bien. Tu fais l'extraction de cerveau par le nez, tu te dis « Ah !» Ah, ça doit pas être agréable, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est... Disons que je pense que ça, c'est... Niveau dérangeant, c'est peut-être un petit peu au-dessus du rhume. Mais voilà, le segment est cool. J'aime beaucoup. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est le côté geek du personnage de Buscemi à la fin qui est mort de rien. Ah, il confond un papyrus de la 3ème dynastie avec un de ceux de la 4ème. Ah, quel incapable. Et puis surtout un papyrus pornographique. Oui, c'est ça. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, tu vois. Comment ça, un papyrus pornographique? C'était ça devait être du récit. Je sais pas, t'as des bits de profil peut-être. Non, je pense que c'est du récit. Ouais, j'en sais rien. Je pense que l'être humain. Je m'y connais mal en pornographie d'Égypte antique. Hein. Je pense que l'être humain a fait de la pornographie très très tôt et je pense que ça passait par du récit à la base. Ça, c'est certain, mais. Dès les débuts du cinéma d'ailleurs. Oui, bah, c'est le genre, c'est l'un des premiers genres à être apparu, forcément. Mm. Tout comme dès la naissance de la photographie. Hein. Le Festival de Cannes avait organisé une fois une rétrospective de porno muet. Ah ouais ? Ouais, j'aurais rêvé d'être à cette séance, je sais, avec tous les mecs qui critiquent le cinéma en train de regarder... des vieux pornos. En train de regarder des vieux pornos des années 20, avec des chiens, il y a des trucs... Des vieux pornos bien dégueulasses, ouais. À mon avis. Enfin, déjà qu'aujourd'hui, c'est pas très ragoûtant. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Non mais ça doit être intéressant, en tout cas, à l'histoire de la pornographie à travers le monde, c'est un sujet qui peut être intéressant. Oui, tant artistiquement que sociologiquement, c'est très très intéressant. Et du coup, sans forcément passer que par le cinéma. Mm-hmm. Parce que comme je viens de le dire, dès la photographie, c'est pareil, hein, la pornographie est arrivée direct. Oh bah oui. Vous doutez bien que dès qu'on a pu prendre des photos, bah, le premier mec venu, il a pris sa bite en photo. C'est obligé. Alors avec les temps de pause, à mon avis, sur les tout débuts... fallait être endurant quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais peut-être que c'était pas, il était pas obligé d'être en érection, peut-être. Ouais, oui, peut-être pas, mais bon. Voilà. on en fera un épisode spécial. Les origines du porno. Et donc le dernier segment est une adaptation un peu plus originale puisque c'est adapté d'une légende japonaise, alors qui est déplacée dans un contexte tout à fait new-yorkais, la Femme des Neiges. Et bah c'est plus ou moins ça, en gros, c'est un paysan dans la légende qui est pris dans une tempête de neige avec un de ses camarades et qui voit une créature venir tuer son camarade. Oui, il voit une créature venir tuer son camarade et après il rencontre une très belle femme. Enfin, la créature lui fait jurer de jamais en parler et peu après il rencontre une très belle femme avec qui il se met en couple, avec qui il a des enfants, et un jour il peut pas s'empêcher d'en parler, il se rend compte que cette très belle femme, c'était la créature en fait qui était tombée amoureuse de lui. Et donc elle m'a tué. Ouais. Moi du coup, c'est le segment auquel j'ai le moins adhéré, il est bien, mais le souci, ça a été adapté dans un très très bon film qui s'appelle Quaidan, et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison, alors que, bah, il fallait pas, mais je l'ai trouvé un peu plus longué que les autres, peut-être. Un peu longué, oui. Moi aussi j'ai... Malgré des très bons éléments, tout de même. C'est un segment que j'ai parlé, que j'aimais. Globalement, j'ai aimé les trois segments. Mais oui, on est d'accord, c'est le plus faible des trois, parce que il a quand même des longueurs évidentes, parce que la fin est peut-être un peu plus prévisible que le segment, que les deux autres segments. Oui. Faut dire quand même ce qu'il y a. Mais il a la même force que les autres, par contre, en termes d'effets visuels, de costume, la créature est super bien faite. La créature est vraiment cool. La créature, elle est super bien faite et ça m'étonne pas que ça soit l'affiche du film. L'affiche du film, c'est la créature qui déploie ses ailes. Oui. Et c'est pas étonnant parce qu'elle est vraiment ultra réussie, quoi. Bah, elle fait très gargouille en fait. Oui, c'est ça. C'est la dernière image du film. Oui. C'est même la dernière image du film. Avec les enfants dans ses bras. Voilà. Mais oui, c'est la moins bonne, mais c'est quand même un bon segment. Oui. Voilà. Mmh. Et puis on peut aussi évoquer bah, du coup l'intrigue fil rouge du gamin qui va se faire bouffer. Oui, qui adapte plus ou moins Hansel et Gretel sur la fin. Hansel et Gretel et Esmeralda. Et l'histoire d'Esmeralda qui raconte... Scheherazade qui raconte des histoires justement pour pas passer à la casserole. Oui. pour dire ça de manière... Assez littérale. Ouais. Voilà. Pour ne pas être obligé de passer à la couche avec... avec c'est qui le vizir, je sais pas qui c'est... C'est une sorte de vizir... Donc ça mixe ces deux histoires en fait, tout simplement. C'est raconter des histoires et faire naître l'intérêt de l'autre pour repousser l'inévitable. Mmh. Parce que les contes de mille et une nuits, c'est ça. Oui, c'est ça. Sachant qu'elle est censée être décapitée normalement le lendemain de la nuit, c'est aussi pour ça qu'elle raconte ses histoires, Scheherazade. Mais c'est pas que... oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. C'est vrai qu'elle tient 3 ans quand même. Pas mal, hein. Elle est douée. Bah, en même temps, dans les mille et une nuits, il me semble qu'en terminant une histoire, elle commence le début d'une autre. Elle est très très bonne pour ménager le suspense, Scheherazade. Elle avait des bonnes techniques de showrunner. Bah, c'est ça, c'est un peu la naissance de voilà. J.J. Abrams. C'est ça. Dans les cordes. Voilà. Je pense que la télévision aurait existé à l'époque, c'est elle qui aurait fait Lost. Ouais. Mais oui, elle se débrouillait toujours pour jamais finir une nuit sur une fin d'histoire, parce que sinon elle savait que c'était fini. Ah, et voilà. Ouais. Mais donc voilà, c'est ce petit clin d'œil entre Hansel et Gretel et les mille et une nuits, du coup. L'intrigue fil rouge. Mais ouais, du coup, un film de débrouillard, divertissant, on passe un bon moment devant. C'est ça. Puis ouais, surprenamment maîtrisé au niveau photographie et certaines idées de réalisation, donc c'est à voir pour ça. C'est ça. Et au final, c'est pareil avec Creepshow, c'est un film de segment avec un seul réalisateur. Oui. Et c'est peut-être ça aussi, très souvent... Les films à segments les mieux réussis sont ceux avec un seul réalisateur, avec une seule tête pensante. Ouais. C'est quand il y a plusieurs réalisateurs que t'as toujours des passages un peu moins bons, voire vraiment pas terribles des fois. Ouais, il doit y avoir des exceptions, mais oui, c'est vrai que ça permet de créer une meilleure unité aussi, peut-être. C'est ça. Il y a toujours des exceptions, qu'il en soit. Mm. Mais comme tu dis, oui, ça permet de créer un tout, en fait. Un tout cohérent et logique. Donc ouais, c'est... voilà, on peut vous le conseiller. Ouais, clairement. Et moi, je pense qu'on peut passer direct à une scène, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Bon, on va passer à une scène. Ouais. Nous allons lire la toute fin de la nouvelle, la dernière page. Le tueur est déjà mort, il a été tué par le chat qui lui est rentré dans la gorge. L'édition que nous avons est celle du livre de poche, la traduction est de William Olivier Desmond, et nous sommes à la page 429. Le fermier s'appelait Will Russ. Il se rendait à Placers Glen pour faire renouveler le certificat de conformité de son camion quand il aperçut, en fin de matinée, le soleil se refléter sur quelque chose dans le fond du ravin que longeait la route. Il s'arrêta et vit la Plymouth à demi renversée dans le fossé, les barbelés pris dans sa calandre, la gardant prisonnière dans un filet de fer. Il descendit laborieusement jusqu'au véhicule et inspira brusquement. « Sainte merde !» murmura-t-il à l'intention de cette journée de novembre. Un type était au volant, dos tendu et raide, ses yeux grands ouverts et vides, foudroyant l'éternité. Les instituts de sondage ne le consulteraient plus jamais sur ses opinions politiques. Son visage était couvert de sang, il avait encore sa ceinture de sécurité attachée. La portière côté conducteur était déformée, mais en tirant à deux mains, Russ parvint à l'ouvrir. Il se pencha dans l'habitacle et défit la ceinture. Il avait l'intention de chercher une pièce d'identité. Il s'apprêtait à passer la main dans le veston du type lorsqu'il s'avisa que sa chemise ondulait, juste au-dessus de la boucle de ceinture. onduler et se dilater. Des taches de sang se mirent à fleurir là, telles des roses sinistres. « Bon Dieu de Dieu, qu'est-ce que... » Will Russ attrapa la chemise du mort et tira. Il regarda et hurla. Un trou avait été déchiqueté à coups de griffe dans la chair de Halston, au-dessus de son nombril. Et là, il y avait la tête noire et blanche, maculée de sang et d'humeur, d'un chat, les yeux énormes, menaçants. Russ eut un mouvement de recul qui le fit vaciller et il hurla, main sur la figure. Des corbeaux prirent leur envol d'un champ voisin en croissant. Le chat finit de s'extraire du corps et s'étira avec une langueur obscène. Puis il bondit par la fenêtre ouverte. Russ l'aperçut qui se glissait au milieu des hautes herbes, sur quoi l'animal disparut. Il paraissait pressé, raconta plus tard le fermier à un journaliste local. Comme s'il avait un boulot à terminer. Et maintenant, la toute fin dans le film, dans un contexte assez différent, puisque cette fois-ci c'est Drogan qui rentre chez lui en espérant que le boulot soit effectué. Oh non alors. Non. Bon, je vais te laisser dire pourquoi on a pris cette scène. Bah, du coup, comme on l'a évoqué plus tôt, les deux scènes sont très différentes. Personnellement, j'aime bien le fait qu'ils aient changé la scène dans le segment filmique, parce qu'on l'a dit, ça évite la redondance de l'accident de voiture. Parce que déjà, un chat qui t'attaque dans une bagnole, dans un film, c'est pas super intéressant et évident à filmer. Oui. C'est pas évident. À l'écran, ça rend pas intéressant. On le voit bien dans l'accident du majordome. C'est assez vite expédié dans le film, alors que dans la nouvelle, c'est un peu plus long. Parce que forcément, avec des mots, c'est plus facile à décrire une scène qu'en la filmant. Oui, c'est ça. Et c'est bien vu en fait qu'ils aient changé, et du coup, ça a créé cette petite chasse à l'homme qu'on voit, enfin, cette chasse au chat, qui se transforme quand même en chasse à l'homme, vous m'avez compris. Oui, c'est le chat qui chasse l'homme au final. Dans le film. Mais j'aime bien, en fait, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime quand même la fin de la nouvelle, même si c'est redondant avec l'accident, ce que j'aime bien, c'est la fin. Parce que la fin nous ramène à cette ambiance très humour noir qu'il y a tout le long de la nouvelle, en fait, et qui, elle, pour le coup, est absente du segment dans le film. Oui. Il n'y a pas du tout cette ambiance un peu humour noir, comme ça, on ne sait pas trop. C'est totalement absent du film. Et j'aime beaucoup, du coup, cette conclusion à la fin. Bah, le chat va finir le travail. Bah, après, un petit peu quand même. Oui, un petit peu. Il y a le fait que le vieux meurt d'une crise cardiaque de frayeur en voyant le chat. C'est un côté humour noir, en fait. Il est puni un peu là où il voulait réussir. Hein. Oui, parce qu'il prend pas du coup les médicaments qu'il a créés avec son entreprise qui, ouais, c'est ça, justement, aide pour les malades du cœur. Donc il y a un peu d'humour noir quand même dans... Même dans la nouvelle, même dans toute la partie chasse, il y en a, oui, elle est assez humoristique. Et du coup, ce qui m'a fait sourire, c'est que bah, si tu veux voir le chat finir le travail, bah, tu regardes le film. Ouais. Du coup. Alors pour le coup, l'effet, encore une fois, gore est très très réussi, on l'a dit, ça fait vraiment bien le taf. Bah, tu t'imagines la scène, quoi. Mm. Déjà, quand le chat lui rentre dans la gueule, alors, tu t'imagines la scène dans la nouvelle. Ouais. Parce qu'il il essaye de le retirer, il lui retire la queue, là. C'est bien dégueulasse. Mm. Et donc, méfiez-vous des chats. Hein. Non, c'est une bête adorable. Ouais, tant que tu les regardes, c'est adorable. Et puis après, tu les perds du regard un instant. Et... Alors, du coup, pour une raison sans doute évidente, le chat n'a pas eu la même gueule dans film, enfin, la nouvelle, forcément. Oui, bah, je pense que c'est très difficile de trouver, j'imagine, plusieurs chats à dresser qui aient la bonne tête, en fait. Voilà. Tandis qu'un chat noir, bah, c'est deux chats noirs, c'est facile qu'ils se ressemblent. S'ils doivent être noirs et blancs, tu fais plus attention aux éventuelles différences de tâches. C'est ça, ouais. Mais voilà. Une bonne nouvelle, un bon segment et puis un bon film. Ouais. Et on peut noter que la voiture du tueur en série, là, c'est une Christine. Ouais, je sais pas si c'est la Plymouth Fury Christine, mais c'est une Plymouth en tout cas. C'est une Plymouth. Ouais. Donc c'est une Christine. Voilà. Oui, à notre échelle, c'est vrai que ça suffit. Bon, bah, on va classer, hein, alors. Bah, allons-y. Donc, comme d'habitude, je m'occupe du classement des livres nouvelles. Issam s'occupe du classement des films. Alors, les 5 premiers, eh bien, Sac d'os, qui vient d'arriver en tête du classement depuis l'épisode précédent, suivi de Cimetière, Ça, Charlie et La Part des Ténèbres pour les 5 premiers. Et les 5 derniers, eux, bah, c'est toujours les mêmes, Le Dentier Claqueur, La Pastorale, L'Année du Loup-Garou, Docteur Sleep et Grand Chauffeur. Alors, comme j'ai dit, Un chat d'enfer, ça me fait le même effet que Le Dentier Claqueur, mais en un peu plus supérieur quand même, parce que du coup, dans Le Dentier Claqueur, t'avais très très peu de développement de personnages, chose que là, on a dans Un chat d'enfer. Oui, on aura pas énormément non énormément, plus. Mais tout de même. Ouais. Pour moi, tu vois, ça me suffit déjà à foutre au-dessus de Poids Lourd, par exemple. Mm. Et tu vois, j'irais même jusqu'à la mettre au-dessus de Brume, mais pas au-dessus des Enfants du Maïs, par contre. Ouais. Bah, comme je suis pas ultra fan de Brume, moi, je veux bien, effectivement. Parce que Brume, il y a du développement de personnages, mais le problème, c'est que les personnages sont tous imbitables dans la nouvelle Brume. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très sympathiques. C'est un peu le souci. On l'avait évoqué, ils sont tous chiants comme la mort. Bah, après, là, ils sont pas méga sympathiques aussi, mais comme c'est court... Oui, mais c'est court, voilà. Mais c'est surtout leur rôle de pas être sympathique. Oui. Là, pour le coup. Alors que dans Brume, même les personnages qui, normalement, doivent te faire ressentir de la sympathie, ils le sont pas. Pour moi, voilà. Ça serait entre Brume et les Enfants du Maïs, parce que je trouve quand même que les Enfants du Maïs a plus de développement, que ce soit personnage ou d'intrigue. Ouais, l'intrigue des Enfants du Maïs est plus solide. Ouais. Bon, oui, 32e place, ça me va. Bah voilà. Un chat d'enfer entre les Enfants du Maïs et Brume. Et donc, du côté des films, là, nous avons 49 films, séries et compagnies jusqu'à présent. Avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter, et aux 5 dernières Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc, Darkseid, Les Contes de la Nuit Noire, vers où ça va aller? On va être dans du milieu, je dirais, de classement. Je regarde un peu. Pour moi, c'est assez comparable à du Quicksilver Highway. Bah écoute, c'est ce que j'allais dire. Bah, moi, je le voyais là. Ouais. Après, est-ce que tu veux mon avis? Ouais, vas-y, dis. Moi, personnellement, je le mets quand même au-dessus de Quicksilver Highway. Parce que dans Quicksilver Highway, au final, c'est le segment Clive Barker qui est vraiment cool. Ouais. Ouais, l'autre, c'est pas faux. Il est sympa, mais il n'est pas extraordinaire. Alors que là, tous les segments sont bien. Mais par contre, ça reste en dessous des Ailes de la Nuit. Hum. Ouais, on va le mettre au-dessus, même si ça aurait pu être encore mieux si à la place d'une sorcière, on avait eu Christopher Lloyd en tenue SM. Hein. Mais bon. C'est vrai. Mais oui, donc ça va être 17e place, entre Les Ailes de la Nuit de Marc Pavia et Quicksilver Highway de Mick Garris. Voilà. Pourquoi Mick Garris? On en parle souvent en ce moment. Bah, Mick Garris, forcément, dans un podcast consacré aux adaptations de King. C'est pas qu'on en soit heureux, hein, mais bon. Mais dis-moi, Issam, est-ce qu'il serait pas l'heure du tirage au sort? Mais si, quelle bonne transition. Et donc, à qui est-ce que c'est tiré déjà? Bah, c'est à moi, vu que c'est toi qui avais tiré le fléau, qui avait tiré sac d'os en premier la dernière fois. Eh ben, vas-y, tire. Oh, je prends un papier. Je te rends le faux chapeau. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Eh bien, Issam, je suis très content. Ah. Je suis très content, tu vas être très content. Parce que j'ai pas tiré un tête de classement, mais j'ai tiré au moins un top 10. En film? En film et en livre. Ah. Puisque j'ai tiré Misery. Ah. De Rob Reiner. Effectivement, très bien, Misery. Et enfin, on va parler de Kathy Bates aussi. Oui. On l'a déjà aperçu rapidement, mais... Et moi... Si tu tires Dolores Claiborne, ça serait... Le duo Kathy Bates, ce serait beau. Extraordinaire. Et donc, j'ai un papier. Et donc, j'ai tiré Vengeance diabolique de Tom McLaughlin, que je n'ai pas vu, adapté de Court, Jimmy Court. Voilà, une nouvelle de... Danse macabre, normalement. D'accord, Danse macabre. Nouvelle et sympa. D'accord. Et le film, on verra. Ouais. Je ne l'ai pas vu non plus. Hein, il a donné lieu à deux suites. Ah. Ce qui est le signe des meilleurs, par exemple, Les démons du maïs. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Oui, on est d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Laisse-moi rêver. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, on se retrouve donc dans deux semaines pour Misery de Rob Reiner. Ça va faire plaisir d'en parler. Ouais. Et dans un mois pour... Vengeance diabolique, il a déjà oublié le titre. Bah, il est tellement random. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver, enfin, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. @cinémaarchiviste pour toi, et puis en attendant, @thelosttale pour moi. Ouais, on verra si tu récupères Au gré des bulles ou si c'est une nouvelle adresse. Genre Au gré des bulles, la vengeance. Ah oui, la vengeance mortelle. Ouais, c'est ça. Non, la vengeance diabolique. Vengeance diabolique. Vengeance diabolique des bulles. La vengeance diabolique des bulles en enfer. Ouais, parfait. Le 3 s'appelle le démon des glaces de cette série-là. Oh putain. On va vraiment faire les 3? Ouais. Oh merde. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. On mettra l'adresse. Voilà, c'est ça. Bon, et en attendant, à dans deux semaines. Et souvenez-vous que... Le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.